Chapitre 7e. Au pied de l'escalier, la portière nous arrêta et dit alors, « Mademoiselle, voici une lettre pour vous. »« Pour moi ?» répliqua Laure étonnée. « Vous vous trompez sans doute, je n'attends de lettre de personne. »« Je ne sais pas, » dit la portière, « si vous attendez ou si vous n'attendez pas des lettres, mais celle-ci est pour vous, foi d'honnête femme, elle vient de Paris, voyez le timbre. » Laure prit la lettre et monta l'escalier avec moi. J'avais, s'il faut l'avouer, un secret pressentiment que cette lettre ne me serait pas indifférente. Quand la lampe fut allumée, car ma mère restait seule, faisait de la musique dans l'obscurité, je dis alors, qui n'avait pas encore ôté son chapeau et son châle, « Regarde donc ce que veut cette lettre. »« Quelle lettre ?» demanda ma mère. « C'est une lettre qu'on m'a remise tout à l'heure, » dit Laure en jetant son châle sur un fauteuil. Elle regarda l'enveloppe. « Je ne connais pas cette écriture, » continua-t-elle négligemment. « Ce doit être quelque fabricant de porcelaine qui m'écrit pour m'offrir de l'ouvrage. Mais si tu es pressé d'en connaître le contenu, ouvre-la toi-même, Gaston Phébus, et lis-nous-la tout haut. » Je me hâtai d'obéir et je lus ce qui suit. « Mademoiselle, vous ne me connaissez pas, mais je vous vois tous les jours et je vous aime. » À ces mots, ma mère et Laure éclatèrent de rire, moi je me sentais furieux et je regardais la signature « Émile Buchery, rue de l'Odéon, 75 ». Je gravais ce nom dans ma mémoire avec le dessein de chercher celui qui le portait et de lui couper la gorge. « Eh bien, » dit ma mère en riant toujours, « ce monsieur n'a pas mauvais goût. Continue donc ta lecture. Lis-toi-même, » lui dis-je en chiffonnant la lettre dans mes mains et l'achetant sur la table d'un air de mauvaise humeur. « Ah, le mauvais caractère !» s'écria ma mère. « Le voilà qui va se mettre en colère parce qu'un monsieur s'avise de nous trouver aimables. Que serait-ce donc si ce monsieur nous avait trouvé laide ? Gaston Phébus le percerait sans doute de part en part. Voyons la suite, puisque Gaston Phébus a ses nerfs. Je vous vois tous les jours et je vous aime. Comment vous voir et ne pas vous adorer ? Effectivement, ce monsieur manquerait à tous ses devoirs. » Pendant que ma mère continuait tout haut sa lettre, je me sentais le cœur mordu d'une rage et d'une jalousie incroyables. Comment ? Le premier menu se permettrait d'aimer Laure et de lui écrire, et moi ? À dire vrai, ce choc imprévu, joint à la conversation précédente, m'éclairait moi-même sur mes propres sentiments. Ce que j'avais pris jusque-là pour de l'amitié fraternelle était un amour vrai, profond et jaloux comme tous les amours. J'entendis sans y faire grande attention toutes les protestations dont la lettre était remplie. Mais je fus frappé du passage suivant qui en était pour ainsi dire la conclusion pratique. « Mademoiselle, si cet amour si pur, si profond et qui ne finira qu'avec ma vie vous inspire, comme j'ose à peine l'espérer, quelque curiosité de voir celui qui voudrait pouvoir déposer à vos pieds tous les royaumes de la terre. Permettez-moi de vous prier de mettre à votre ceinture une fleur rouge lorsque vous irez, suivant votre habitude, vous promener au Luxembourg avec votre mère ou votre frère. Je saurai alors que je puis approcher de vous et me faire connaître sans crainte de vous déplaire. Ma foi, dit ma mère en jetant la lettre sur la table, les jeunes gens de ce temps-là, car c'est un jeune homme évidemment, « Bon, assez vite en affaire. »« Diable, ce monsieur demande un rendez-vous pour la première fois. Ce n'est pas le patient à Madis de Gaulle, c'est le vif et pétulant Galaor. Et toi, Laure, qu'en penses-tu ?» Laure me regardait avec distraction. Réveillée comme en sursaut par la question de ma mère, elle répondit « Je pense que ce Galaor, comme tu l'appelles, est un impertinent, et qu'il est bien désagréable de ne pouvoir pas fermer la bouche à un sot. » Cette réponse me fit plaisir, car je ne laissais pas d'avoir quelque inquiétude. Une autre chose me rassura encore davantage, c'est que la lettre même indiquait assez que Laure n'avait jamais vu ou remarqué son correspondant. Néanmoins, j'étais si indigné qu'un autre que moi pût avoir l'audace de lever les yeux sur Laure que je résolus d'en tirer vengeance sur le champ. Je me levai donc sans rien dire, et prenant mon chapeau, j'allais sortir lorsque ma mère, qui eut quelques soupçons de la vérité, me dit « Où vas-tu, Gaston Phébus ? Il est trop tôt pour te coucher. Nous nous sommes à peine promenés. Laure a voulu rentrer, je vais achever ma promenade. » Ma mère ne répliqua rien. soit qu'elle ne crût pas pouvoir me retenir, soit qu'elle craignit de m'avoir prêté un dessein auquel je ne songeais pas, et de m'en donner ainsi l'idée. Mais elle me parut pensive et rêveuse contre son habitude. « Au moins, dit-elle, tu t'arrêteras ici à ton retour avant de monter dans ta mansarde. » Je le promis et je pris la fuite. Naturellement, j'allais tout droit, rue de l'Odéon, dans l'espérance de rencontrer M. Bûcherie et d'avoir avec lui une explication des plus vives. Il ne s'agissait de rien moins que de lui offrir deux soufflets. Ce début conciliant devait me dispenser de faire la moindre allusion à la lettre qu'il avait écrite, de sorte que le nom de l'or ne serait pas même prononcé devant les témoins et qu'on se couperait la gorge sans discours compromettant. Monsieur le portier de la maison 75 de la rue de l'Odéon était en train de ressemeler ses bottes ou celles d'autrui, car il était cordonnier de naissance, lorsque je m'informais de Monsieur Émile Bûcherie. Il releva ses lunettes sur son front et répondit que Monsieur Bûcherie était sorti. « Savez-vous où je pourrais le rencontrer ?»« Monsieur, répliqua le portier avec fierté, croyez-vous que je sois sur la piste de tous mes locataires ?»« Mon ami, interrompit sa femme, qui lisait le journal auprès de lui. « Monsieur Bûcherie doit être à cette heure-ci au café qui fait le coin de la rue Soufflot et de la place du Panthéon. C'est l'heure où Monsieur Bûcherie fait sa partie de billard. « Il est donc bien régulier dans ses habitudes ?» demandai-je étonné. « Monsieur, répondit la portière, Monsieur Bûcherie est rangé comme un notaire. Je dois le savoir puisque c'est moi qui fais sa chambre. À 9 heures, il sort de son lit et met ses pantoufles, sa robe de chambre grecque et son béret rouge. À 9h15, il allume sa pipe. À 10h, il va déjeuner. À 11h, il prend sa demi-tasse et il joue au billard jusqu'à 3h. De 3h à 5h, il joue aux cartes et boit 2 verres d'absinthe. Puis il se promène jusqu'à 6h. Il va dîner jusqu'à 8h30 ou 9h. Il passe ici pour savoir si quelqu'un est venu lui parler dans la journée. Et enfin, il va faire sa partie de billard jusqu'à 10 ou 11h. Le reste du temps est donné à ses affections, car... « Mais te tairas-tu, bavarde ? » s'écrie le portier impatienté. « Sais-tu seulement devant qui tu parles ?»« Mon Dieu, reprit la femme, il ne faut pas être bien sorcière pour deviner que monsieur n'est ni le père, ni l'oncle, ni le tuteur, ni le banquier de monsieur Bûcherie. » Cette physiologie de mon rival me donna quelque envie de rire et de prendre des informations particulières sur son caractère. « Et quand donc, dis-je, prépare-t-il ses examens ?» À la maison, au portier, à la portière, j'avais reconnu que Bûcherie était étudiant. « Du 1er au 15 août, » répondit la portière. « Mais monsieur a-t-il quelque chose à nous dire qu'on pourrait répéter à monsieur Bûcherie ?»« Non, non. » Et je m'en allais précipitamment, mais pas assez vite pourtant, pour échapper à la phrase suivante qui me fut lancée par le portier. « Eh, dites donc, malhonnête, allez-vous fermer la porte ? Danupied, va !» Du reste... Je ne me souciais guère de ce qu'il pouvait me dire, et je pris sans hésiter le chemin de la rue Soufflot. Le café qu'on m'avait désigné était facile à reconnaître. Il étincelait dans ce quartier où tous les magasins sont fermés de bonne heure et où les réverbères sont seuls chargés d'éclairer les rues. On entendait de loin le choc des billes, les exclamations des joueurs, le grincement des dominos sur les tables de marbre. Je montai au premier étage, et je m'assis dans un coin de la salle tout rempli de fumée pour reconnaître d'avance mon ennemi. Au premier coup d'œil, je le reconnus. C'était un grand garçon robuste et élancé, avec des cheveux rouges, une moustache rouge, des yeux hardis, presque insolents, un rire bruyant et tapageur, un bel homme, enfin, de ceux qui appellent le garçon d'une voix de tonnerre, qui embrasse les servantes d'auberge et qui, sans être aimé de personne, s'impose à tout le monde. Je le reconnus à 2 signes. Premièrement, au béret rouge dont m'avait parlé sa portière, et secondement, au regard qu'il jeta sur moi dès que je fus entré. Évidemment, il m'avait vu avec l'or et me connaissait déjà. Un instant après, je n'eus plus aucun doute, quelqu'un l'appela par son nom. Sans paraître le remarquer, je fis apporter ma chope sur une table voisine du billard où il jouait avec un de ses camarades. Il me suivait de l'œil et se rangea très poliment pour me laisser passer. Évidemment, il avait envie de lier connaissance avec moi. Je suppose qu'il comptait déjà faire de moi un ami, et par cette amitié se rapprocher de l'or. Mais je riais en moi-même de sa finesse. Un instant après, je me levai d'un air nonchalant, et debout près du billard où il jouait, je me joignis au badaud qui faisait galerie et jugeait des coups. Je voulais critiquer son jeu, l'irriter et l'amener insensiblement à une querelle. Je n'eus pas d'abord cette satisfaction, car Bûcherie, qui était un joueur exercé, faisait peu de fautes, et de plus, il avait trop d'intérêt à me ménager pour faire attention à mes remarques désobligeantes. Cependant, il parut étonné de l'insistance avec laquelle je faisais valoir tous les coups de son adversaire tout en dépréciant les siens. Il se compta encore pendant quelques minutes, mais sur une critique nouvelle, la patience lui échappa, et il murmura à demi-voix quelques mots que personne n'entendit et qui me firent voir que l'orage allait éclater. « Plaît-il, monsieur ?» lui dis-je d'un air assez provoquant. « Eh, allez au Saint-Saint-Diable, vous me faites manquer tous mes coups, » répliqua-t-il. « Voulez-vous, monsieur, que je vous donne une leçon de politesse ?» À cette question, il devint pâle de fureur et me regarda comme s'il avait voulu me dévorer. Mais je soutins son regard avec une telle fermeté qu'il fut forcé de baisser les yeux. Peut-être aussi pensa-t-il qu'il ne fallait pas se brouiller avec le frère de l'or. Soit cette raison, soit quelque autre, il garda le silence, mais ce n'était pas à mon compte. Je voulais absolument lui chercher querelle. Aussi, la partie terminée, comme je vis qu'il avait perdu, je dis assez haut pour qu'il pût m'entendre « Voilà ce que c'est que de jouer comme une mazette ». Cette fois, la mesure était comble, et il avait pris son parti, car il s'avança vers moi et me dit avec emportement « Vous, si vous dites un mot de plus !» Je me levai de la chaise sur laquelle j'étais assis, et le regardant dans les yeux, je lui dis à mon tour avec une fureur égale à la sienne, mais dont il ne pouvait pas deviner le motif. « Monsieur, j'ai dit que vous jouez comme une mazette, et je le répète. J'ajoute maintenant que vous êtes un fanfaron et un drôle. » Il s'élança sur moi, mais son camarade le retint. Pour moi, je saisis ma chope, menaçant, s'il faisait un pas de plus, de le lui jeter à la figure. « Bah, bah !» me cria-t-il, pendant que ses amis l'entraînaient. « Je te retrouverai et tu auras affaire à moi. »« Quand tu voudras !» criai-je à mon tour. Un instant après, deux de ses amis revinrent et me déclarèrent qu'après avoir tenu conseil, ils avaient décidé que je devais réparation d'honneur à M. Émile Bûcherie, soit par les armes, soit par des excuses publiques. Je répondis que je choisissais les armes. Et comme on me demanda de désigner mes témoins, je priai deux sous-officiers qui jouaient tranquillement au domino dans le café de vouloir bien me rendre ce service, ce qu'ils acceptèrent de grand cœur, prévoyant peut-être qu'on plumerait les canards et qu'ils seraient de la partie. Enfin, je demandai qu'on se dépêchât de finir l'affaire dès le lendemain matin à 7 heures, car je craignais qu'un plus long délai ne laissât ma mère ou alors le temps de soupçonner le duel et ne leur causa de mortelles inquiétudes. On tomba d'accord de tout, et l'on décida enfin qu'on irait au bois de Vincennes, qu'on se battrait au pistolet d'abord, et si le pistolet ne donnait aucun résultat, à l'épée. Tous ces arrangements pris, je rentrai chez moi, très fier d'avoir si bien protégé l'honneur de l'or, très fier d'avoir un duel, très fier de l'avoir si bien caché à ma mère, et très fier enfin de tout comme on l'est à 22 ans.